confins du malheur que nous plantons nos racines. Au plus profond de vos peurs, vous trouvez nos origines. Sur nos croix de vérité, nous clouons vos certitudes. Accrochons de grandes idées qui deviendront habitude, étouffons dans la piété, la rébellion et la lutte, pour mieux vous emmener sur les chemins du salut. Du salut. Vous menant à la bataille, pauvres moutons apeurés, avides de médailles, nourris de félicité. Vous endormirez les mains rouges et l'âme en paix. Rêverez de cieux dorés, oubliant la pitié. Alors vous asservirez ceux que vous aurez vaincus, pour mieux les emmener sur les chemins du salut. Du salut. Quiétude bien pensante, abritée par le pardon de vos hontes réminiscentes. Vous fixerez le soleil à vous en brûler les yeux. Ignorant ce qui la veille vous rendez si haineux, mains jointes nous implorerez de vous parler d'absolu, pour mieux vous ramener chemin du salut. Assis au pied de mon lit, comme sorti d'un cauchemar, la conscience endolorie et le cœur encore hagard, je cherche dans la nuit une planche de salut. Tends la main, je la serrerai très fort, pour que tu n'aies peur de rien et n'aies jamais de remords. Je te pardonnerai ta perte de confiance. Peut-être je l'oublierai, mais pour que tout recommence, je te ferai rentrer dans ce trou convaincu, pour mieux te faire rester sur les chemins du salut.